Juste après le journal, vous avez rendez-vous avec Sonia Khironi pour Un Monde Nouveau. Bonjour Sonia, de quoi on parle aujourd'hui ? Bonjour Frédéric, ce soir on parle cinéma en direct du Festival du film de Locarno en Suisse italienne qui fait son grand retour après une année blanche marquée par la pandémie. Nous recevons Gaspard Noé qui va nous présenter son dernier film, Le bouleversant Vortex, avec Françoise Lebrun et le grand réalisateur italien Dario Argento. Et Bertrand Mandico pour son dernier long métrage présenté en compétition ici, After Blue. Paradisal, un film qui a très fortement marqué les esprits ici, vous comprendrez pourquoi. France Inter.